Du coup, ouais, maintenant, on va faire un petit truc sur les liens entre véganisme et anarchisme, qui sont pas très présents, du moins en France, mais qui existent et qui sont, je pense, très importants. So now we're going to make a little speech about the link between anarchism and veganism, which are quite important and not so known in France, maybe. Ouais, du coup, l'antispécisme, c'est-à-dire le fait de se battre contre l'exploitation des êtres à cause de leur espèce, c'est-à-dire de l'exploitation animale là, à travers l'élevage et la boue et tout ce dont on parlait, c'est quelque chose qui est présent en fait depuis le début dans le mouvement anarchiste, de manière plutôt marginale. I can try. The anti-specist movement anarchist movement is not very present but exists. Mm. Et du coup, oui, au début du mouvement anarchisme, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est quelque chose qui était clairement présent là, dans le mouvement anarchiste. Du coup, il y a des textes de pas mal d'anarchistes comme Louise Michel ou Kropotkin ou Élisée Reclus qui parlent un peu de ça, même si c'est des gens qui n'étaient pas forcément végétaliens ou vegan. So in the anarchist movement in the beginning from the 19th century or beginning of the 20th, veganism is clearly present, like it's written in the works of Louis Michel and Kropotkin. Et du coup, c'est quelque chose qui s'est manifesté notamment au début du XXe siècle par la création de pas mal de ce qu'on appelait à l'époque des en-dehors ou des colonies anarchistes à la campagne, qui étaient en gros essayer de créer des petits microcosmes un peu en dehors du monde où commencer à mettre en œuvre les idéaux anarchistes sans attendre la révolution. Et du coup, beaucoup de gens dans ces mouvements-là étaient végétaliens. So in the beginning of the 20th century, there were like some anarchists that were on farms and they tried in that kind of microcosm try to live independent from others and or from the state. And most of them were vegetarian, were vegans. Et oui, du coup, c'est toute une vague là qui a fini par disparaître peu à peu à partir des années 20, notamment à cause de l'influence sur le mouvement anarchiste de la révolution russe et du marxisme-léninisme là qui ont en fait réduit le mouvement, tous les mouvements pour l'émancipation à la question ouvrière, à la lutte du prolétariat contre le patronat et qui ont un peu effacé la question animale. So that kind of stopped in the 1920s, when the kind of the Russian Revolution and Lenin came over, and their struggle was kind of marked more by like the workers' struggle, and the kind of the vegan question or the animal rights question kind of disappeared then. Et du coup, depuis je dirais 20 ans là, on assiste un peu à un renouveau du véganisme et de l'antispécisme dans le mouvement anarchiste. So since 20 years the vegan movement or the anti-speciesist movement is kind of growing again. Ce qui n'empêche pas que il y a on va dire une majorité de gens chez les anarchistes qui sont très critiques vis-à-vis de ce mouvement-là et qui n'en voient pas l'intérêt. Je pense notamment aux positions d'organisations comme la Fédération anarchiste ou l'OCL qui crache ouvertement sur le véganisme et l'antispécisme. Which well now it's still a minority and the majority of anarchists, especially the anarchist federation, they don't really like vegans. They're kind of. Yeah. Ouais, c'était pour réagir à ce que tu disais juste. En fait, je pense pas que le véganisme en fait revient chez les anarchistes. Je pense que c'est plutôt quelque chose de nouveau, et que en fait, c'est que les démarches végétaliennes qui existaient avant, c'était autre chose qui relevait plus de l'expérience communautaire, tandis que là, le fondement, ouais. so he doesn't really agree. He's saying that he doesn't feel that the vegan movement is coming back. He feels that the movements that existed before, that he was mentioning, the communities on the land, that they were more like community experiences and not really about being vegan. Et juste pour faire rapidement, c'est que en fait le véganisme pour moi il est vachement lié à la question de l'industrie de la viande et que en fait c'est le développement massif de la consommation de viande notamment, mais pas que, mais aussi de l'expression animale en général, qui a créé justement le véganisme comme réaction en fait à cette intensification en fait de l'industrie de la viande quoi. So it feels that the veganism that we're talking about now, of nowadays, it is more a reaction of the mass production of meat after the Industrial Revolution. Yeah. En fait, moi je suis pas exactement d'accord de dire que le véganisme n'apparaît que dans les années 70 dans des pays anglo-saxons. En fait, je pense que c'était vraiment... les naturiens, en fait... du début du XXe siècle avait cette démarche à savoir de bannir l'exploitation en général, quoi, aussi bien des humains humaines que des animaux, et que en fait pour eux c'était pas juste ne plus manger de la viande, c'était également ne pas utiliser l'animal entièrement, quoi. She disagrees with the disagreement. And she says that actually in the start of the 19th century, of course, there was the, what is the name of the movement? Naturian movement, where they have values of being vegan, and it was not just about eating the animal products, but it was also about using using animals at all, exploiting animals entirely. D'ailleurs, il se positionne très clairement contre l'ère industrielle naissante et qu'ils analysent déjà très énergivore, très pagui et proche de l'esclavage pour les humains et pour les animaux, et en fait. So they already have, back then they already had a critique of the Industrial Revolution, or because they thought it was really energy intensive and also very close to esclavage, or like to slavery for humans. Well, that's for, did you say, and like animals. For animals it was like very similar conditions to the animals were living in similar conditions to the human slaves before. Yeah. En fait, c'est eux qui sont pas mal à l'origine de ces colonies anarchistes, et du coup du fait d'être, enfin, c'était des urbains en fait qui cherchaient du coup à revenir en campagne pour avoir plus d'autonomie, et qui créaient des centres en fait où ils vivaient, où ils accueillaient les gens. Ils avaient la gratuité comme principe premier également, et du coup ils étaient, enfin, so there were people that kind of lived in cities, but that went to the countryside to start living there, and they had like they tried to live without money. And also, this was it was them who were very much at the beginning of this anarchist colony forming. that kind of continued throughout the century. On peut dire que quand même à l'époque c'est quelque chose qui était présent chez les anarchistes, en fait, cette question là de à la fois je dirais en fait d'avoir une éthique de vie là qui sont en rapport avec les idéaux qu'on prône. Et du coup, particulièrement cette question-là des animaux et de l'exploitation animale. So, well, even back then they they. Actually, you can tell you that at this time there were already something in the anarchistic movement about I can't translate it. What is it? About having an ethic linked with the anarchist ideas, and especially about animal condition. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose qui revient un peu dans une frange de mouvement anarchiste, je pense surtout au milieu autonome et au squat. So he feels now that now the vegan question is coming back more and it's becoming more of an issue in the autonomous and the squat movement. Well, it's hardly registering anything. Comment? Ouais, en fait, je sors encore mon lourd, quoi, mais pour tout ce qui est squat et mouvement autonome, je pense que ça mérite d'être précisé. Parce que, effectivement, dans la culture squat, il y a, le véganisme qui est présent, mais de manière portée individuellement plutôt et pas politique en fait quoi, c'est enfin en tout cas le côté politique comme je dis juste ouais vas-y. So he feels that he doesn't really agree that it's that the vegan movement is really part of the squat movement. He says it's more like individuals who eat vegan, but it's not like a political idea put forward by the squat movement. Ouais, en fait, c'est pas vu comme une solution généralisable, universellement, en fait, quoi. Et sinon, au niveau autonome, je dirais que, enfin, ça dépend des endroits, mais juste des endroits où, en fait, le véganisme, ils ont rien à battre, en fait, quoi. Et, en fait, c'est pour ça que, là, c'est assez tendu là-dessus, quoi, voilà. So, yeah, it's more like an individual thing put forward, and there are like many people in the squat movement who don't agree with that actually. Enfin moi du coup j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste quand même assez minoritaire et qui est intégré dans la culture anarchiste comme un peu une composante du mouvement, mais un peu comme quelque chose d'un peu folklorique là dont on tient compte, c'est-à-dire que on tolère les véganes, on leur fait généralement à manger quand il y a des trucs collectifs qui sont organisés, mais que ça va effectivement pas vraiment plus loin et que c'est pas porté à un niveau politique. So it's not really shared or like carried on a political level. It's more like, yeah, the cute vegans, they are respected, and if there's like a collective meal, then they get some food as well. But it's not like really like the political idea, like that the whole idea is carried by a lot of people. Et ouais, j'ai l'impression que finalement c'est une question qui est pas mal évitée au sein de, enfin entre nous, et que on peut en discuter de manière inter-individuelle, mais c'est un peu toujours, j'ai l'impression, un combat d'arrière-garde où on fait des trucs ensemble avec des gens et juste on parle pas de ça parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus, et du coup ça ressort jamais, il y a jamais d'action là-dessus, il y a jamais de. So it's a question that is kind of ignored by many people. It's like kind of always in people's heads, but it's not really spoken about because people are not really agreeing on it. So yeah, it's not really discussed about it, not really, and not really many actions have been done about it. Après, si on regarde à l'international, le contexte est largement plus positif. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'Amérique du Sud où justement des mouvements qui se revendiquent de l'anarcho-primitivisme notamment, qui portent entre autres le véganisme. Sinon, pour prendre en France, il y a différents collectifs, soit vegan à la base. Attends. Translation. Ouais. I can so, try to translate it. Okay. If we look in the world in general, we can find some anarchist movements, especially in South America, for example in Chile, etc., who are anarcho-primitivist and also vegans. And in France, we have recently some animal rights collectives or animal liberation collectives with integration of anti-fascism or evolution. Donc en France, en fait, il y a aussi des collectifs antispécistes ou de libération animale qui portent aussi Donc des dimensions antifascistes ou des collectifs antifascistes qui portent aussi la question de la libération animale. Donc voilà, ça reste minoritaire, mais ça existe et c'est en expansion. Voilà. Ouais. Et du coup, ouais, sinon, personnellement, je pense que y a un peu une cohérence qui serait peut-être à trouver là-dessus, dans le sens où le mouvement anarchiste et tout ce qui s'y rapporte, ça, c'est lutter contre toutes les oppressions, sans distinction, et que l'antispécisme est une oppression comme les autres. And so it's a bit incoherent that veganism is so few present in the anarchist movement, because the anarchists claim that they fight against every oppression, and specism typically is an oppression. Et ouais, je crois qu'on peut dire que l'exploitation animale à travers l'élevage industriel ou pas, à travers les expérimentations dans les labos, c'est peut-être la chose dans le monde qui crée le plus de souffrance. And I think we can say that animal exploitation is maybe the thing in the world which creates more pain. Je dis ça dans le sens où ça concerne en fait des milliards d'êtres, des animaux qui ne sont jamais considérés parce qu'ils seraient différents de nous. Et oui, souvent quand on parle de ça dans le mouvement anarchiste, ou avec des gens en général, ce qu'on se rend dans la gueule, c'est souvent que la souffrance des animaux ne compte pas parce qu'ils sont différents de nous et qu'ils ne sont pas humains. I say that because animals would be different, so their pain would have no value. And I think it's not true, je pense que c'est pas vrai. Because people think that as animals are different from humans, that it doesn't matter if they feel pain or suffering. You said that, no? It's the finish. So maintenant on enchaîne avec un peu de musique. Le titre c'est No Rapping's Dead. Voilà, je connais pas, je sais pas si. Non, enfin on sait pas si la vegan rap est écrit, mais on sait pas qui sert, on verra. No Rapping the Dead, it's like packaging, huh? Wrapping, putting into a package, like package food. Ouais. En gros, ça veut dire n'emballons pas les animaux sous plastique. Et voilà. But wrapping, like wrapping, you know.